Né le 6 février 1945 dans un petit village de Jamaïque, Bob Marley, fils d'un officier blanc et d'une jeune black, découvre la difficulté d'être métisse car il est pris entre deux mondes qui s'ignorent. À cette époque, le mariage mixte n'était pas très bien vu. Make you want to move your dancing feet. Adolescent, il quitte la campagne pour Kingstown, comme la plupart des Jamaïcains que la misère pousse vers les villes. Pourtant, le travail est rare et Bob vit à Trenchtown, sordide ghetto où se concentrent la pauvreté, le crime et la casse. Là, il rencontre Benny Livingston, avec lequel il découvre une passion commune, la musique et en particulier le ska. En 1963, soit à 18 ans, Bob monte le groupe The Teenager, en compagnie de Peter Tosh, Benny Livingston, Junior Braithwaite, Beverly Keslow et Cherry Smith. Ils changeront à plusieurs reprises de nom de la formation pour finalement opter pour The Wailers. Le groupe se sépare en 1966. Cette année-là, Bob épouse Rita Anderson. Il émigre ensuite quelques mois aux États-Unis auprès de sa mère, histoire de gagner un peu d'argent avant de regagner sa terre d'origine. À son retour, Bob Marley, Bunny Wailers et Peter Tosh reforment le trio magique. Ils en profitent du coup pour créer leur propre maison de disques, Wail and Sound. Au rang des morceaux distribués par ce très éphémère label, le single Brand Down Low, premier essai d'une série de disques qui feront entrer la rythmique lourde et les idées Rastafari dans la légende. En avril 1978, le Rastaman suprême chanta à l'occasion d'un concert pour la paix réunissant le Premier ministre Michael Manley et son adversaire politique Edward Sega. Un peu plus tard, en 1980, Bob Marley et les Wailers partent en tournée avec Stevie Wonder durant l'hiver 1908. Mais Bob est forcé de l'interrompre pour soigner le cancer qui le ronge. Il meurt en pleine gloire le 11 mai 1981. Il avait 36 ans.